بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 17, le samedi 19 Rabi' al-Awwal de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 15 octobre 2022. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble la lecture de l'fatawa de Cheikh al-Allama Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est rendu à la quatrième question de cette compilation, dans laquelle Cheikh rahimahullah a été interrogé au sujet de l'existence d'une ancienne salafia et d'une salafia nouvelle. Ou est-ce qu'il y a une seule salafia? Comme ce que tu peux entendre aujourd'hui, est-ce qu'il y a la salafia de Cheikh Abdel Mohsin Abbad et la salafia de Cheikh Rabi'a? Et tu peux entendre également, est-ce qu'il y a une salafia de Medina et une salafia de Riyad? C'est comme ça, les gens des ambiguïtés, ils prétendent. Donc ils lui ont dit, « هل هناك سلفية قديمة وسلفية جديدة أم أنها سلفية واحدة؟ » Est-ce qu'il y a une ancienne salafia, une nouvelle salafia, ou c'est une seule salafia? La réponse de Cheikh, rahimahullah, « السلفية هي سلفية واحدة » La salafia, c'est une salafia unique. وَمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ هُنَاكَ سَلَفِيَّةٌ قَدِيمَةٌ وَسَلَفِيَّةٌ جَدِيدَةٌ فَقَدْ كَذَبْ. Et celui qui prétend qu'il y a une ancienne salafia et une nouvelle salafia, alors il a menti. C'est un menteur. De même que celui qui prétend qu'il y a une salafia de Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Abbad, ou une salafia de Medina et une salafia de Riyad. إذا تأملنا عقيدة السلف من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا نجدها عقيدة واحدة لا يختلفون فيها أبدا. Si on médite, Cheikh y poursuit en disant, si on médite sur le dogme de nos pieux prédécesseurs depuis la génération des compagnons radiyallahu anhum jusqu'à nos jours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous trouvons que la aqida, le dogme, est unique. Il ne diverge jamais dans ce dogme. Jamais. Ça, c'est un point très très important. Et c'est une porte que les gens de l'innovation et des passions essayent d'ouvrir afin d'annuler la notion de l'alliance et le désaveu. Ils prétendent qu'il y a une divergence entre les compagnons dans la croyance. Et comme je l'ai dit souvent, en suivant les savants dans cela, il y a jamais eu de divergence entre les compagnons dans l'aqida. Tous les compagnons sont d'accord que les croyants verront Allah dans l'au-delà. Ils le verront avec les yeux de leur tête, de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, sa majesté, sa grandeur. Ils le verront réellement. Alors que le Mu'tazila, ils prétendent que Allah ne sera pas vu dans l'au-delà. Et l'autre extrême, comme l'Asha'ira al-Maturidiyya, qui prétendent que c'est une vision scientifique et non pas une vision réelle. Mais après, ils peuvent diverger. Est-ce que le prophète ﷺ a vu Allah dans la nuit de l'ascension? Il peut y avoir une divergence. Malgré que la vie juste, même par rapport à ce point, c'est qu'il n'y a pas de divergence entre les compagnons. La divergence est venue par la suite. Tous les compagnons, ils sont sur l'avis que le prophète ﷺ ne l'a pas vu. Et celui qui a dit qu'il l'a vu, comme Ibn Abbas, il l'a expliqué dans d'autres récits, rapportés de lui, authentiquement, qu'il l'a vu avec son cœur. Donc c'est une vision scientifique. Mais la vision réelle avec les yeux n'a pas eu lieu dans la nuit de l'ascension. Et personne, d'une manière absolue, ne pourra voir Allah dans ce bas monde. Il ne sera vu que dans l'au-delà. Comme le Nabi a dit dans le hadith authentique, il a dit « Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ». Vous n'allez jamais voir votre Seigneur jusqu'après la mort, c'est-à-dire dans l'au-delà. Mais dans le dunya, ce n'est pas possible. Moussa alayhi salam a demandé à Allah de lui permettre de le voir dans le dunya. Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé qu'il n'a pas la capacité de supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le dunya. Et que dans l'akhira, il sera préparé à cela. Et même si on suppose qu'il y a une divergence dans ce point, est-ce que le prophète a vu ou pas? Ce n'est pas une divergence dans l'aqida. L'aqida, c'est que Allah sera vu dans l'au-delà. Et que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est possible. Et aura lieu. Tous, ils sont d'accord sur ce point. Mais est-ce que dans le dunya, le prophète a.s.w. l'a vu ou pas? Ça, les savants, ils l'appellent « mas'alatun far'iyya tata'allaku bi'aslin min usuli l'aqida ». Donc ça, c'est un point élémentaire qui est en lien avec un point fondamental de l'aqida. Mais sur les points fondamentaux de l'aqida, il n'y a pas de divergence, même pas une seule. Je vous donne un autre exemple. Al-Sunna wal-Jama'a, unanimement, à l'unanimité, ils affirment l'existence du châtiment, du supplice de la tombe, et des supplices de la tombe, et des délices de la tombe. Mais est-ce que le châtiment aura lieu sur le corps, ou sur l'âme, ou sur les deux? Là, il y a une divergence. Lakin, le fait que les gens dans leur tombe, il y en a qui seront châtiés et il y en a qui seront dans un na'im, dans des bienfaits, dans des délices. Sur ça, il n'y a pas de divergence. Et ainsi de suite. C'est pour ça les savants ils disent il n'y a pas de divergence dans l'aqida. L'aqida, dans les points fondamentaux dans l'aqida, où celui qui a une divergence, ou celui qui n'a pas le même avis que Al-Sunnah, il sort de Al-Sunnah. Et s'il sort vers Al-Sunnah, de Al-Sunnah al-Jama'a, il rentre dans les innovateurs et les innovations. Forcément. Donc dans ça, il n'y a pas de divergence. Ensuite, Cheikh a dit, وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ أَلَّتِي لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ وَالْعَقَائِدِ. Comme bien même, ils peuvent, Al-Sunnah, ils peuvent diverger dans des jugements secondaires, élémentaires, qui ne font pas partie des fondements de la religion et des fondements des croyances, comme on a vu précédemment. فإنهم يختلفون في هذا ولا يعيب أحد على أحد وهذه طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أهل السنة والجماعة ils divergent dans des questions de l'fiqh, est-ce que ça c'est obligatoire, c'est recommandé, salat l'Eid, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est une sunna fortement recommandée, c'est une divergence entre al-sunna et al-jama'a. Tahiyyat al-masjid, la salutation de la mosquée, quand tu arrives dans la mosquée, faire deux rak'at, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est une sunna, une divergence. Est-ce que dans ce salat, tu mets les mains, la main droite sur la main gauche, tu la mets au niveau de la poitrine après que tu te lèves de recours, de l'inclinaison, ou non? C'est une divergence. Après, il faut savoir que dans les divergences, il y a des divergences qui sont tolérées. Et il y a des divergences qui ne sont pas tolérées, même dans le fiqh. Une question dans laquelle les preuves sont claires et explicites, ou des questions sur lesquelles il y a unanimité des savants, même dans le fiqh, c'est pas toléré que quelqu'un, il nous invente un nouvel avis. Ou une question dans le fiqh, dans laquelle les compagnons ont divergé sur deux avis, c'est pas toléré non plus que quelqu'un, il vient, il invente un troisième avis. Donc, même dans le fiqh, pas toute divergence est tolérée. Mais aucune divergence n'est louée, ni dans le fiqh, ni dans autre domaine de la religion. Aucune divergence n'est louée. La divergence n'est jamais louée. Ce qui est loué, c'est l'union. C'est le groupe. Mais il y a des divergences qui sont tolérées. Ce qu'on appelle en arabe, khilafun sa'ir. Il est toléré car les preuves admettent cet avis et aussi l'autre avis. Les savants parmi Al-Sunna et Al-Jama'a ont divergé dans cette question en se basant sur des dalils. Là, c'est une divergence tolérée. Lakin, même dans le fiqh, il ne peut pas y avoir une divergence quand il y a unanimité. Ça, c'est un égarement. Il y a unanimité des savants sur un point. Et après, quelqu'un il vient, il nous sort un nouvel avis. Ça, c'est un égarement. Ou les compagnons ont divergé sur trois avis, lui, il invente un quatrième. Ça, c'est pas toléré non plus. Même dans le fiqh. Ou une question dans laquelle les arguments sont clairs et explicites. Comme la question du mariage avec tuteur. C'est une question dans laquelle les dalils sont clairs et explicites. C'est pas toléré que quelqu'un vient nous dire « Moi, je suis le madhab al-hambali, je me marie sans tuteur. » Car ça s'oppose à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, clairement et explicitement. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith authentique « Il n'y a pas de mariage sans tuteur. » Alors, comment tu peux te marier sans tuteur en prétendant suivre un madhab? Ou, par exemple, quelqu'un qui nous dit, un nabid, c'est quand on fait un jus de fruits, après un certain nombre de jours, 3 ou 4 jours, il y a le sucre dans le jus, il se transforme en alcool. Et ça devient une boisson enivrante. Haram. C'est pas autorisé que tu viennes dire je vais la boire parce que moi je suis un madhab qui autorise cela. L'imam de ce madhab, il est excusé parce qu'il n'a pas eu connaissance du dalil. Mais toi, t'es pas excusé. Et l'imam de le madhab, tous les imams suivis, notamment les 4 imams des 4 écoles juridiques connues et suivies dans la plupart des pays de l'islam, tous, ils se sont désavoués de celui qui suit leur avis, qui s'oppose au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ont exprimé cette idée de plusieurs façons, avec plusieurs formules et expressions de points, ni de sorte à ce que ça ne laisse aucune excuse pour quelqu'un qui suit un grand savant dans une erreur. Le grand savant, il a fait son effort pour arriver à la vérité. Mais Allah a fait que personne ne peut réunir la sunna dans sa globalité à l'exception du messager d'Allah. Dans chaque madhab, tu vas trouver quelques points qui ne sont pas en accord avec la sunna, clair et explicite. Tu dois suivre la sunna. Si tu suis le prophète, et si ton imam, c'est l'imam de l'école juridique, alors ça, c'est une autre affaire. Ces madhahib, c'est une bonne chose dans le sens où ça te permet d'apprendre le fiqh graduellement avec des livres qui ont été travaillés sur des années et des années, des siècles et des siècles même. Donc ça, c'est un avantage. Le même livre a été travaillé par une centaine de savants, étudié par une centaine de savants, expliqué par une centaine de savants. Yani, ça arrive à un degré d'authenticité très très fort. Lakin, si jamais il y a un point qui n'est pas en accord avec la sunna, tu dois suivre la sunna. Ton imam unique, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ton imam unique, ça doit être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ton adoré unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul que tu dois suivre, c'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, tu les suis tant qu'ils te montrent la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et le savant, il peut être excusé dans un avis qui est contraire à la sunna, mais tu ne vas pas trouver énormément d'avis comme ça. Par exemple, tu prends le madhab al-Maliki, tu ne vas pas trouver des milliers d'avis contraires à la sunna. C'est pour ça, c'est toléré pour quelqu'un qui débute d'étudier selon une école propagée dans son pays. Mais après, il faut qu'il se mette dès le départ dans la tête que plus il évolue, plus il doit aller vers les avis qui sont en accord à la sunna. Si jamais il y a des avis qui sont contraires à la sunna dans ce madhab. Et bien évidemment, dans chaque madhab, il y en a. Mais ces savants, ils n'ont pas fait exprès pour aller à l'encontre de la sunna. Ces savants, ils étaient très très attachés à suivre la sunna. Mais la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc al-sunna, ils peuvent diverger. Et les compagnons ont divergé dans des questions de le faire. Et personne ne blâme l'autre. Et c'était ça la méthode des compagnons. Bien évidemment, ça doit se comprendre dans la divergence tolérée. Personne ne blâme l'autre. Toi, tu mets la main sur la poitrine après que tu te lèves de recours. Ton frère à côté de toi, qui suit la sunna, comme tu la suis, lui, il voit que la vie le plus proche de la vérité, c'est qu'il ne mette pas la main sur la poitrine. Et il relâche ses mains, après le recours. Tu ne dois pas le blâmer, et penser qu'il est dans l'égarement, ou qu'il est dans un manquement dans sa salate. Attention, tu ne dois même pas penser ça. Lakin, c'est autorisé que tu essayes de discuter avec lui pour le convaincre avec ce qui te semble le plus juste. Et lui aussi, son avis lui semble le plus juste. Il peut discuter avec toi, avec adab, avec science, avec tolérance. La tolérance, elle est demandée dans ces questions-là. Et si vous terminez votre discussion, lui reste sur son avis, toi tu restes sur ton avis, vous êtes toujours des frères qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, en général, quand on n'a pas un niveau élevé dans la science, quand il y a une discussion, même sur un point dans lequel la divergence est tolérée, si le frère refuse de suivre mon avis, en général, je vais prendre une position contre lui, même si je le dis pas clairement. Et ça, c'est un égarement. Ça, c'est un suivi de la passion. Et ça peut être dû à l'ignorance. Déjà, il faut que tu commences par savoir cette question. Dans cette question, est-ce que la divergence est tolérée ou pas? Si elle est tolérée, tu dois commencer ta discussion avec ton frère sur cette base, qu'il n'est pas dans le mal. Et peut-être que lui, il a raison et que toi, tu as tort. C'est comme ça que les savants comprennent la parole de l'imam Shafi'i, dans laquelle il dit, mon avis est juste et admet l'erreur et l'avis de mon adversaire est une erreur qui admet d'être juste. C'est dans des questions comme ça. Après Al-Bida'a, ils vont prendre cette parole de l'imam Shafi'i pour la généraliser à des questions dans lesquelles la divergence n'est pas tolérée. Mais dans les questions où la divergence est tolérée, toi tu as fait ton effort pour arriver à la vie juste, et ton frère il a fait de même. Vous avez deux avis différents, peut-être que c'est lui qui a raison. Et toi tu es dans l'erreur. Peut-être que c'est lui qui est dans la vie le plus juste. Peut-être c'est lui qui est dans la vie prépondérant. Et de toute manière, tous les deux vous êtes récompensés. Celui parmi vous qui est, la vie, qui est dans la vie juste, il sera récompensé deux fois. Et celui qui est dans la vie faible, il sera récompensé une seule fois pour son effort. Et le premier deux fois pour son effort et pour avoir été dans la vie juste. Et ça, c'est une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'accorde à qui il veut. Tayyib. Donc, notez bien que dans l'aqidah, il n'y a pas de divergence. La cinquième question. Elle est très importante, cette question. De toute manière, toutes les questions qu'on va lire sont très importantes et concernent le manhaj d'une manière directe et explicite. Cheikh est interrogé, هل من منهج السلف الموازنة بين الحسنات والسيئات في مقام النصيحة أم لا؟ Est-ce que ça fait partie de manhaj al-salaf, de la méthodologie de salaf, de faire un certain équilibre entre les bonnes actions et les mauvaises actions d'une personne quand on lui fait le conseil? Regardez, dans la question, elle est précise, quand on lui fait le conseil. Parce que dans le domaine de la biographie, ceci est autorisé. Si tu prends le livre de l'imam al-Dhahabi, Sir Alam al-Nubala, tu vas trouver qu'il va parler de certains égarés, certains parmi les têtes de l'innovation, et il va citer certaines de leurs qualités. Les savants, ils disent, quand on parle de la biographie, des livres adressés à des étudiants en sciences, il n'y a pas de mal à citer les qualités, car tout musulman a forcément des qualités. Mais quand tu fais la mise en garde contre quelqu'un qui a des égarements, est-ce que c'est toléré de citer ses qualités avec ses défauts, ou tu dois te limiter à citer ses défauts et ses erreurs qui sont sujets de la critique et la mise en garde? La réponse de Cheikh. Yani, il a dit, peut-être d'autres frères auront la même question. La vision scientifique, c'est la vision du cœur. Yani, tu vois la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cette vision, elle est possible dans le dunya. Plus ta science augmente, plus tu verras yani, la magnificence et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces signes lisibles et ces signes visibles. À travers le Coran, les signes lisibles, et à travers les créatures d'Allah. Et à travers la création d'Allah, qui sont les signes d'Allah visibles. C'est ça la vision scientifique. C'est une vision avec le cœur, et non pas avec les yeux. Donc, est-ce que, quand on fait une mise en garde, on doit dire que cette personne contre laquelle on met en garde, c'est quand même un savant qui a mémorisé le Coran et qui a étudié pendant 50 ans et qui a écrit 200 livres et on cite ses qualités et ensuite on dit, mais attention, il a une erreur par rapport à ce point. Est-ce que ça fait partie de manhaj al-salaf? Bien évidemment, ça c'est un point extrêmement important, car la plupart des innovateurs il adopte cette méthodologie et ils exigent de Al-Sunnah de le faire et ils voient qu'ils sont injustes parce qu'ils ne le font pas. Ils voient que Al-Sunnah sont injustes parce qu'ils, quand ils critiquent quelqu'un, ils ne citent pas ses qualités. Ils disent ça, c'est une injustice. Il a défendu l'islam, il a passé sa vie dans la science, et tu viens et tu mets en garde contre lui, tu cites uniquement ses défauts, il dit ça, c'est une injustice. Quelqu'un qui n'a pas de science, ça peut marcher sur lui, cette ambiguïté. Il peut avaler cette ambiguïté. Il y en a, avec sa raison, il se dit, oui, effectivement, le musulman est juste d'une manière générale. Il est juste avec tout le monde. C'est vrai, il est juste avec tout le monde. Mais être juste, c'est pas être juste comme toi, tu veux. Comme ta raison te le dicte. Être juste, c'est être juste comme le prophète alayhi salam nous l'a enseigné. C'est pour ça le bon comportement. C'est pas ce que tu vois, toi, comme bon comportement. Une femme qui t'est étrangère, qui t'a tendu la main, c'est haram de lui serrer la main. Lakin, lui, il voit que ça fait partie du bon comportement de lui serrer la main pour ne pas lui briser le cœur, pour ne pas la vexer. Yani, c'est le bon comportement. Nous lui disons, ça c'est un mauvais comportement, car le Nabi alayhi sallam ne nous a pas enseigné ça. Les femmes qui ont fait le bay'a, le pacte d'allégeance, parmi les meilleures femmes de cette communauté, il ne leur a pas serré les mains, la main, malgré qu'elles ont tendu la main. Il a dit, non, je ne serre pas la main aux femmes. Et le pacte d'allégeance, je vous le fais avec la parole seulement. Et après, il n'y a pas de souci à expliquer pourquoi le musulman ne fait pas ça. Et sortir les arguments, si c'est un musulman. Ou donner des arguments rationnels, si c'est un kafir. Lakin, tu tombes dans le péché pour arriver à un bien, ça n'existe pas en islam. On ne tombe jamais dans la désobéissance d'Allah pour arriver à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une règle, tu peux l'appliquer partout où tu es. Dans tous les domaines, sans exception. Tayyib, la réponse de Cheikh. هذا ليس من منهج السلف. Ceci ne fait pas partie de la méthodologie de Salaf. Et ولم يقل به أحد إلا في زماننا هذا والله المستعان. On a vécu jusqu'à cette époque où ça a été dit. Il a dit, Cheikh, ça n'a jamais été dit par quelqu'un avant jusqu'à notre époque. Jusqu'à notre époque, l'époque de l'Ikhwan, l'époque de l'Hizbiya, où ils ont eu des propos comme ça. Ils ont tenu des propos comme ça. قال به الإخوانيون وأتباع الإخوانيين قالوا لا بد من الموازنة بين الحسنات والسيئات. Ceux qui ont dit ça, ce sont l'Ikhwan, la secte égarée de l'Ikhwan qui a été fondée par Hassan, qui a été fondée par Hassan al-Banna, l'Égyptien, et leurs suiveurs. Car cette secte, même si c'était une secte yani distincte, mais cette secte, elle a eu des principes qui lui ont permis d'avoir sous ses rangs toutes les catégories des innovateurs. Cette secte, en réalité, si tu veux la résumer, elle a été créée pour former un franc auquel s'est joint tous les innovateurs et tous les égarés. Quels que soient leurs égarements dans l'aqida, dans Sophia, dans l'établir, tout le monde est le bienvenu. Ils ont formé un franc dans lequel ils ont regroupé tous les innovateurs avec un seul objectif. Combattre les salafiyins, combattre Al-Sunnah wal-Jama'a. Donc, c'est l'Ikhwan qui ont dit ça pour la première fois, ainsi que leurs suiveurs parmi les égarés. Ils ont dit, c'est indispensable de faire un équilibre entre les bonnes actions et les mauvaises actions d'une personne quand on la critique et quand on lui fait le nasiha. Et ceci, chéri dit, ceci est caduque, n'a aucun fondement, ni du livre d'Allah, ni de la sunna de son prophète, alayhi sallam, et personne n'a œuvré ainsi parmi les compagnons du prophète, alayhi sallam, ni parmi nos pieux prédécesseurs. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف لما استشارته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تكلم في معاوية وأبي جهم وقال أما معاوية فصعلوك لا مال له قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. Donc, Cheikh, il sort un dalil explicite dans la question. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a été consulté par Fatima bint Qais, qu'Allah l'agrée, après la mort de son mari, il y a deux hommes qui se sont présentés pour l'épouser. Muawiyah ibn Abi Sufyan, le grand compagnon, très connu, le fils de Sufyan ibn Harb, Muawiyah ibn Abi Sufyan, le frère de l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, l'oncle maternel des croyants. Et un autre compagnon qui s'appelle Abu Jahm, radiyallahu anhu. Elle est venue voir le prophète, alayhi salam, elle lui a demandé conseil. Voilà, ces deux hommes se sont présentés pour m'épouser. Qu'est-ce que tu me conseilles au messager d'Allah? Il lui a dit, en ce qui concerne Muawiyah, C'est un pauvre. Il lui a dit, c'est un pauvre qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les moyens pour subvenir à tes besoins. Et quant à Abu Jahm, c'est un homme qui frappe les femmes. C'est un homme qui frappe les femmes. Donc, le Nabi, alayhi salatu wassalam, il l'a mis en garde contre ces deux hommes et il n'a cité aucune qualité. Alors que vous imaginez, si vous voulez qu'on cite les qualités de n'importe quel compagnon. Les compagnons, ce sont des degrés. Les uns au-dessus des autres. Les uns au-dessus des autres. Et personne ne peut les atteindre de cette communauté, de toutes les générations qui sont venues après la génération des compagnons, radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui est moindre. Lakin, c'est des degrés les uns au-dessus des autres. Abu Bakr radiallahu anhu, ce n'est pas Omar, ce n'est pas Uthman, ce n'est pas Ali, et ainsi de suite. Radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Donc, le Nabi alayhi salam n'a cité aucune qualité de Muawiyah. Il ne lui a pas dit, il écrit la révélation, il est avec moi souvent, il est d'une famille noble. Son père, c'était le maître de Quraysh. Et il lui a dit le point qui la concernait, qui est un défaut avec lequel elle doit renoncer au mariage avec Muawiyah. Et il lui a cité un seul défaut qui la concerne, qui doit la faire renoncer du mariage avec Abu Jahm. Et il lui a recommandé d'épouser un autre compagnon qui ne s'est pas présenté et qui n'a pas demandé à l'épouser, qui est Usama ibn Zayd. Il lui a dit « Inkihi Usama ». Et Usama ibn Zayd, c'est le fils de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Je vous cite de l'anecdote, l'anna, subhanallah, pour voir le baraka de suivre la sunna. Car souvent on a tendance à vouloir suivre nos raisons, nos raisonnements, nos déductions, alors que le baraka, toute le baraka, est de te conformer à la sunna. C'est comme ça qu'étaient les compagnons, radiyallahu anhum. Ils regardent qu'est-ce que le Nabi alayhi salam il dit. Dans tous les domaines, nous voyons aujourd'hui certains de nos frères et sœurs qui peuvent suivre n'importe qui, n'importe quoi, il dit dans des domaines, même dans des domaines de dunya, dans lesquels il y a des sunan, comme la médecine prophétique. Reviens à ce que le Nabi alayhi salam a dit. Et regarde, est-ce qu'il a des recommandations dans le point concerné? Après, tu prends des médecins. Lakin, si le Nabi alayhi salam a des recommandations dans un domaine, si tu veux le baraka, si tu veux le khair, c'est de lui que tu dois prendre en premier, même dans ces domaines. Alors que dire de l'adoration? l'adoration, on ne suit que le prophète, d'une manière exclusive. Comme nous adorons que Allah d'une manière exclusive. Tayyib. Donc, je disais, le Nabi, il lui a dit, épouse Usama. Et Usama, radiallahu anhu, fils de Zayd ibn Haritha, c'est un arabe. Mais Zayd ibn Haritha, il a épousé Baraka, un sahabi qui s'appelle Baraka Umm Ayman. C'est une Habashiya, une Éthiopienne. Et son fils Usama, qui était très aimé par le prophète, d'ailleurs, comme son père. Il les aimait énormément. Son père Zayd ibn Haritha, c'est celui qu'on appelait au début de l'islam, ou avant l'islam, aussi, on l'appelait fils de Muhammad. C'était le fils adoptif du prophète. Après, l'adoption a été abrogée et il restait que tu peux t'occuper d'un enfant, mais ne pas te l'attribuer. Ça ne devient pas ton fils ou ta fille. Mais t'occuper de lui, c'est d'un grand mérite en islam. Celui qui s'occupe de l'orphelin, il sera avec le prophète dans le paradis, proche de lui. Donc, Usama, radiyallahu anhu, il avait une certaine laideur au niveau de son visage. Il était noir. Donc, Fatima bint Qais, une Qurashiya, une femme de Quraysh, d'une noble descendance, elle épouse un homme comme Usama, donc elle a senti une hésitation en elle. Mais après réflexion, elle s'est dit, je vais suivre ce que le Nabi m'a dit. Et elle a épousé effectivement Usama ibn Zayd. Et par la suite, elle a été jalousée par ses voisines, enviée par ses voisines. Elle a eu énormément de bien et de khayr et de baraka avec cet homme. Usama radiallahu anhu. Et ça te montre, yani Fatima radiallahu anhu, si elle avait refusé d'épouser Usama, est-ce que c'est une ma'asiyah? Est-ce que c'est un péché? Personne ne peut forcer une femme à épouser un homme en islam. La femme, elle choisit librement son mari. On la conseille, on lui recommande ce qui est meilleur, mais elle choisit librement son mari. Si son accord est une condition de validité du mariage. Si on la force à se marier avec un homme, elle peut se séparer de lui. Elle peut se séparer de lui. Mais imaginons, on l'a forcée après, elle a accepté. Elle a aimé cet homme. Le mariage reste valide. Mais si jamais elle veut annuler le mariage, elle peut. Car personne n'a le droit de forcer la femme à épouser un homme. Tayyib. Regardez dans ce hadith. Regardez dans ce hadith. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, regardez dans ce hadith, le Nabi alayhi salam n'a cité aucune qualité. Car là, il est question d'une mise en garde. Il est question d'une mise en garde. Et non pas la biographie de cet homme, on va détailler ses qualités et ses défauts. Là, il s'agit de citer le point qui concerne la personne et qu'elle cherche. Elle est venue demander conseil pour savoir est-ce que c'est un bien pour elle ou pas. Nabi Hassan, il lui dit la chose qui lui montre clairement et directement que ce n'est pas un bien pour elle. C'est pour ça, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit que celui qui fait une mise en garde contre un égaré et qui cite ses qualités, en réalité, celui-là, il appelle les gens à le suivre. Imagine pour les gens, surtout les gens de la masse, tu leur dis, un tel, il a fait une erreur dans telle question religieuse, mais c'est un grand savant. Mais c'est quelqu'un qui mémorise le Coran, et ainsi de suite. Tu cites ses qualités. Les gens, ils ne vont garder que les qualités que tu as citées. Ils vont continuer à le suivre. C'est pour ça, dans la mise en garde, on ne cite pas les qualités de ceux qu'on réfute. Et on ne cite que le point critiqué. Que le point dans lequel il y a une erreur. Mais le fait d'être juste de la part de Al-Sunnah al-Jama'a, c'est qu'ils ne vont pas mentir sur la personne et lui attribuer ce qu'elle n'a pas dit. On va dire il a dit ça et on a les preuves. Un audio, un écrit ou des témoignages de gens dignes de confiance. On ne va pas attribuer à des gens des choses qu'ils n'ont pas dit. Ça, c'est demandé. Par rapport à n'importe quelle personne, un mécréant, un innovateur, un musulman, d'être juste, c'est ça d'être juste. Et Chéri poursuit en disant que ça, c'est une réponse succincte. Si on veut citer tous les délits par rapport à cette méthodologie, il faut beaucoup de livres. Et vous pouvez, il a recommandé de revenir au livre de Cheikh Rabi' qui s'appelle Manhaj Ahli Sunnati wal Jama'a fi naqd al kutub fi naqd al rijal wal kutub wat ta'if. La méthodologie de Ahli Sunna wal Jama'a dans la critique des personnes, des livres et des sectes. Ce livre dans lequel Cheikh Rabi' a réuni beaucoup de dalil sur cette méthodologie salafi sur laquelle étaient nos salafs. La sixième question. ما رأيكم في من يقولون لا ينبغي للعلماء أن يرد بعضهم على بعض في هذا الوقت لأن هذا يقوي شوكة الأعداء ويشق الصف. Quel est votre avis au sujet de ceux qui disent que les savants ne doivent pas réfuter les autres savants à notre époque, car ceci renforce les ennemis de l'islam et affaiblit les muslimines ou affaiblit Al-Sunnah al-Jama'a. La réponse de Cheikh. Cette parole est fausse et caduque et cette revendication est blâmée et rejetée. Et cela, il vise par cette parole, il vise l'annulation de l'appel au bien et de la proscription du condamnable. Ils veulent, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est arrêter le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ils veulent annuler l'éclaircissement de la vérité. Et cet égarement, il vient de Hassan al-Banna, qu'Allah nous pardonne, il lui pardonne, il dit Cheikh, qui a dit que tous les musulmans, tous, sont des musulmans avec une même qibla, une même direction de salat, dans la salat. Leur livre est le même, ils ont un même livre, le Coran, un seul prophète. Donc, ils ne doivent pas se diviser. Ça, c'est une parole vraie avec laquelle on a voulu quelque chose de faux et de caduque. Les musulmans, ils ont une seule divinité qu'ils adorent, un seul prophète qu'ils suivent, un seul livre qui les guide, Al-Qur'an, et une seule direction dans la salat. Donc, ils ne doivent pas se diviser. Na'am, ils ne doivent pas se diviser. Ils doivent rester unis sur la voie de salaf. Lakin, le décret d'Allah, c'est qu'il va y avoir les divisions. Et la faute, ce n'est pas à ceux qui sont restés sur la vérité. La faute, c'est à ceux qui se sont éloignés de la vérité. C'est eux la cause de la division. Mais eux, ils reprochent la division à Al-Sunnah wal-Jama'a. Pourtant, c'est eux qui sont restés sur la même voie du prophète et de ses nobles compagnons. Il a dit, c'est pour ça que Hassan al-Banna a regroupé dans son parti le Salafi, le Soufi, le Shi'i, le Mu'tazili, le bon et le mauvais. Il a dit, ils sont tous des musulmans. Bien évidemment, le Salafi qui rentre avec eux, il est tombé dans une erreur de laquelle il doit se repentir et sur laquelle il doit revenir. Sinon, c'est un égarement. Lakin, cet homme, comme j'ai dit précédemment, il a fondé ce parti et cette bannière sous laquelle il a regroupé toutes les sectes égarées. Il a dit, on est tous musulmans, on doit s'unir. Peu importe notre croyance, peu importe nos déviances. Et il a instauré cette règle très connue, la grande règle de l'Ikhwan. نَتَعَاوَنُ فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. On s'entraide dans les choses sur lesquelles on est d'accord. Et chacun de nous excuse l'autre dans les choses dans lesquelles on est en désaccord. C'est-à-dire, on est d'accord sur une partie de l'aqida, on va s'entraider dans cette partie sur laquelle on est désaccord. On a des divergences dans l'aqida, c'est pas grave. Toi, t'es Mu'tazili, lui, il est Ash'ari, l'autre, il est Maturidi, c'est pas grave. On va collaborer ensemble. Moi, je vais fermer les yeux sur tes erreurs, toi, tu fermes tes yeux sur mes erreurs, mais on collabore dans les choses sur lesquelles on est d'accord. Et ça, c'est un grand égarement. Donc, chéri dit, ça c'est une règle fausse. Et les savants l'ont réfuté. Et ils ont montré l'égarement qu'il y a dans cette règle. Notamment, Cheikh Rabi'a, hafidhahullah. Donc, voilà pour aujourd'hui. Nous allons nous limiter à ces questions. Dans l'espoir de poursuivre bi'idhnillahi ta'ala la semaine prochaine, je vous invite à consacrer cette heure à cette séance qui nous sera tous bénéfique et profitable et qui nous permettra de voir d'une manière extrêmement claire le manhaj al-salafi. Et vous allez le constater au fur et à mesure des fatawa que nous allons lire que, alhamdulillah, salafiyya, c'est l'islam pur, c'est l'islam dans son authenticité, dans sa beauté, c'est l'islam avec la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.